Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL au 89.1 et je suis très heureuse d'accueillir Marie-France Sautil, nouvelle chroniqueuse à Futur Simple. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors en fait, je dis nouvelle, mais pas tout à fait. Je devrais dire revenante parce que tu as déjà participé à Futur Simple il y a quelques années. On s'arrête là parce que ça va trahir mon âge. D'accord, on n'ira pas plus loin, mais j'aimerais quand même te présenter. Donc, tu as une maîtrise en sciences de l'atmosphère de l'UQAM, donc une présentation rapide parce qu'effectivement, il y en a long. Donc, une maîtrise en sciences de l'atmosphère de l'UQAM. Et pour résumer ta carrière, disons que tu travailles depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la climatologie et la qualité de l'air, tantôt au ministère de l'Environnement, tantôt à Ouranos, un centre de recherche en climatologie. Donc, un résumé qui te convient? Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, tu as choisi de nous plonger dans la climatologie en nous racontant une toute jeune histoire de la modélisation climatique. Et en fait, je suis bien curieuse de savoir depuis quand les scientifiques essaient de modéliser le climat. La première fois qu'on s'est vraiment posé sérieusement la question, ça a été au 19e siècle. Alors, qu'est-ce qui détermine la température de notre planète? Dans un premier modèle simpliste, c'est-à-dire un genre de simulateur, on a tenu compte de l'énergie solaire incidente et réfléchie. Donc ça, c'est notre moteur, si on veut, le soleil. Et ensuite, on a tenu compte de l'énergie qui est émise par la Terre. On a calculé de cette manière-là que pour la surface moyenne, c'est-à-dire l'ensemble de la surface de la Terre, ça donnait moins 18 degrés Celsius. La réalité est plus proche de 15 degrés oui, Celsius. Hein, heureusement pour nous. Zut! Alors, en plus, vers le milieu du 19e siècle, on observe qu'il y avait des périodes de glaciation dans l'histoire de la Terre. Donc, le climat n'était pas constant, immuable, et c'était difficile de comprendre pourquoi. Je vous le donne en mille, ne soufflez pas dans la salle. Il manquait l'atmosphère dans le modèle. Alors, quelques années plus tard, on comprend que certains gaz qui entourent la Terre ont la propriété de retenir une partie de l'énergie qui est émise par la Terre. Ce phénomène est appelé, tadam, effet de serre. Ben oui. Alors, pour simplifier, pour donner une image, disons qu'on a rajouté un chandail autour de la Terre dans notre modèle primitif. La Terre perd moins de chaleur de cette manière en direction de l'espace et la température moyenne du cosmos étant de moins 270 degrés Celsius, ça permet à l'existence de l'humain ou de la vie en général, cette atmosphère. Alors, pour expliquer les variations de la température au cours de l'histoire, les glaciations, c'est un chimiste suédois, un certain Arrhenius, en 1896, qui a fait un lien entre le CO2 et la température de l'air. Arrhenius voulait comprendre comment avec fluctué le climat dans le passé, mais aussi et surtout, quel sera le futur climat au train où la pollution s'intensifie. Ouais. Parce que même à la fin du 19e siècle, il y avait déjà de quoi s'inquiéter, parce que l'industrie était en plein essor, puis on carburait au charbon, pas propre du tout. Avec son petit modèle à une dimension, Arrhenius a quand même estimé que si la température, le CO2, doublait dans l'atmosphère, l'atmosphère se réchaufferait de 5 à 6 degrés. Bon, c'est un peu fort, mais c'est quand même proche de la réalité. Là où il s'est complètement fourvoyé, c'est le temps qu'il faudrait pour y arriver. Lui, il avait estimé 3000 ans. Ah oui. Aujourd'hui, au train où vont les choses, la réponse est plutôt autour de 150 ans. Ah ouais. Donc, si je comprends bien, en fait, depuis le début de l'ère industrielle, donc le chandail de la Terre, pour reprendre l'expression que tu as pris, donc ce chandail s'épaissit. Exactement. Mais ce qui inquiète le plus, c'est pas tant le chandail lui-même, mais la vitesse à laquelle on le tricote. Ouais. D'où peut-être l'erreur d'Arrhenius, l'erreur des décimations de temps. Absolument. Ouais. Il n'avait pas prévu qu'on consommerait autant. Alors, revenons à l'ambition des scientifiques de créer un simulateur de climat pour prévoir le futur. Alors, il faut représenter tous les processus physiques et chimiques, puis les rétroactions sous forme d'équations mathématiques. Il faut ensuite les résoudre, ces équations. Ça donne l'état du système à un temps T. Et puis, pour faire évoluer le système dans le temps, il faut répéter les calculs à un intervalle régulier. Ça fait beaucoup de calculs. Ben oui. Les premiers modèles du genre sont apparus dans les années 50. C'est un certain Américain, M. Charney, qui a vraiment été le pionnier dans ce domaine. il contenait les mécanismes de l'atmosphère, son modèle, mais il n'y avait pas d'océan. Mm-hmm. Il pleuvait, mais il n'y avait pas de nuages. Il gelait, mais il n'y avait pas de neige au sol. Puis le relief n'était pas considéré non plus. Mm-hmm. Alors, on se dit, mais il les avait oubliés ou quoi? Mais non, les capacités de calcul étaient limitées. C'est d'ailleurs l'apparition des ordinateurs qui a fait avancer prodigieusement la science du climat. De nos jours, d'ailleurs, les plus puissants ordinateurs sont au service de la météo et de la modélisation mm-hmm. climatique. Mm-hmm. Ensuite, dans les années 80, on voit arriver les modèles numériques en 3D. Ils sont appelés modèles de circulation générale ou MCG. Retenez l'acronyme, je vais m'en servir plus loin. MCG. Alors, dans les MCG, les équations sont résolues pour chaque point de grille à l'échelle du globe, puis l'état du système est recalculé à un pas de temps d'une heure. Mm-hmm, d'accord. Donc là, un point de grille, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, comme on n'a pas la capacité de décrire tout ce qui se passe partout à la fois, on choisit de faire des calculs à tous les X kilomètres. Autrement dit, on découpe l'atmosphère, le sol, les océans ouais. en cubes, et dans chaque cube, on a un résultat spécifique. OK. Et puis, les cubes se parlent, ils interagissent entre eux, ils sont pas déconnectés. Puis, la grosseur de chaque cube détermine la résolution d'un modèle. Mm-hmm. Vous comprenez que plus la résolution est fine, plus il faut faire de calculs. Ouais, ouais. Donc, plus il faut des ordinateurs puissants. Exactement. Puis, plus les ordinateurs évoluent, plus on peut raffiner nos modèles, ouais. donc réduire la grosseur des cubes. Ouais. Alors, pour en revenir au modèle MCG, là, ils avaient une résolution de 500 km, les premiers. Uh-huh. Puis, ils prenaient en compte quand même les principaux processus de l'atmosphère, de l'océan, puis de la cryosphère. La cryosphère, c'est les glaciers terrestres et marins, la neige, le pergélisol, etc. Ils prenaient aussi en considération la couleur du sol. C'est-à-dire, si c'est une ville, sa réflectivité n'est pas la même que si c'est une forêt mmh. ou que c'est de la neige. Ouais, ou un lac. Mmh. Donc, ça joue sur le bilan énergétique. Alors, ces premiers MCG, même s'ils étaient approximatifs, ils ont encouragé la création du GIEC en mmh. 1988. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est un organisme qui est considéré comme le maître d'œuvre en climat. Mmh. Mais le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est une initiative de l'ONU, est constitué de chercheurs qui proviennent des centres de recherche en modélisation climatique. Donc, c'est pas une instance extérieure. C'est entre nous qu'on s'est dit, on va se mettre ensemble pour avoir au moins une seule réponse, s'entendre mm-hmm. et puis assurer la qualité. Et puis, le GIEC a aussi comme mandat de fournir des scénarios standards d'évolution de gaz à effet de serre. Ça, c'est ce qui nous permet finalement de faire évoluer les concentrations de polluants dans l'air. Mm-hmm. C'est ce qui module les changements de température. Donc, si tout le monde utilise les mêmes scénarios de gaz à effet de serre, ils vont devenir comparables, les résultats. Mm-hmm. Alors, c'est une coalition, si on veut, qui est unique dans le monde, là, dans mm-hmm. le monde scientifique. Mm-hmm. C'est une belle réalisation. Et puis, les scénarios de gaz à effet de serre, ben, ils tiennent compte de la pollution émise, mais elle-même dépend de la démographie, de l'économie, de la technologie, des politiques. Autrement dit, c'est énormément incertain. Ouais, ouais, ouais. Il y a énormément d'erreurs possibles. C'est pourquoi on en fait plusieurs, des plus optimistes aux plus pessimistes, et ça nous donne une gamme de climats possibles pour le futur. Et puis le GIEC, en plus de fournir ces gammes de scénarios, il publie à tous les 7 ans les résultats de tout le monde, de sorte qu'on a un portrait et on peut s'en servir de ça. Mm-hmm, mm-hmm. D'accord. Et puis donc, c'est à la lecture finalement de ces publications du GIEC, on entend, c'est médiatisé, on le sait quand ça sort, que finalement les consciences se réveillent progressivement au sujet des changements climatiques. Tout à fait. À la fin des années 90, on commence non seulement à être conscient du phénomène, mais on l'observe. Même le commun des mortels peut s'en rendre compte. Et puis, c'est ce qui a aidé à la ratification de l'accord de Kyoto en 97. Mm-hmm. Les gouvernements se sont dit, oh, la population réagit, là, il faut faire quelque chose. Alors, à ce moment-là de l'histoire, les modèles climatiques sont considérés vraiment fiables. Ils sont couplés, c'est-à-dire l'air parle à l'océan et vice-versa. Oui. Les modèles peuvent reproduire les principaux phénomènes physiques et chimiques, puis ils tiennent compte aussi des autres gaz à effet de serre, pas seulement le CO2, mais ils tiennent compte aussi des aérosols, les fines CFC, particules. Oui. Effectivement, et puis ils font aussi jusqu'à la stratosphère, puis qui a une influence aussi sur la température près du sol. Mm-hmm. Et puis, les modèles simulent les courants océaniques, les circulations à grande échelle comme le jet stream ou El Niño, les tempêtes, puis les formations de nuages. Là, les nuages, c'était vraiment une espèce de, comment je pourrais dire, d'obstacle majeur. C'est ce qu'on connaît le moins. Mm-hmm. Ça, puis la constitution du sol. Là, mais c'est que ça change tout le temps, les nuages, le sol. Bon, une montagne, elle reste à sa place, mais les nuages, ça change tout le temps. Effectivement. Ben, c'est qu'il nous manque d'observation. Pour savoir comment reproduire un phénomène, il faut l'avoir compris, modélisé, je dirais, d'abord en le mesurant. Mm-hmm. Donc, pour en revenir au début des années 2000, on commence à faire des projections pour le futur parce que les modèles sont considérés fiables. Et puis, le GIEC publie son troisième rapport. Puis, dans ce rapport-là, il y a à peu près une dizaine de modèles utilisés. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a des centaines de simulations possibles, des dizaines de modèles, on les compte plus. Et puis la dernière génération contient la dynamique des rivières, puis des lacs, oui, la chimie des océans, de la végétation dynamique, c'est-à-dire ça s'affine, hein, c'est là on est rendu dans le vivant là, on modélise presque la consommation des animaux là. Et pour finir, quelles sont les perspectives dans le domaine? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut toujours améliorer les modèles, mais je dirais qu'entre les deux dernières publications du GIEC, on n'a pas vraiment vu de différence dans les résultats. Au moins, ça confirme ce qu'on avait déjà calculé. L'enjeu principal maintenant, c'est de diminuer l'incertitude autour de ces réponses-là. C'est-à-dire que quand ça sert aux études d'impact, là, les sorties des modèles, ben et il faut que ces impacts-là soient pris en compte par les décideurs. Puis les décideurs, ils composent mal avec une fourchette de résultats. Ils avoir 10 scénarios, ça les intéresse pas, hein? Non, ils veulent une réponse, puis s'ajuster avec, puis mettre un signe de dollar au bout. Voilà. Donc, on continue la recherche et en espérant toucher du doigt la vraie réponse. Mm-hmm. Ben, c'est fort intéressant. Puis je ne pensais pas que ça avait commencé d'aussi longtemps depuis Arrhenius, là, depuis plus d'un siècle finalement. Donc merci beaucoup Marie-France pour ces éclaircissements sur la modélisation climatique. On passe en musique sur CKRL et au retour, on part explorer le pergélisol.